si tu te souviens. My love, c'est fou. Ce petit matin, ce matin et nous, et rien dans le ciel, my love, mais nous, et rien sur la mer, my love. My love, c'est tout. Ce divin silence, tout autour de nous, tous deux bras en croix. My love, oui, nous, nus devant la mer, my love, c'est fou. Nobody but you, my love, but you. You and the silence, the silence and you. And nobody else, my love, but you. And nobody else, my love, but you.